Shush. Drip. Drip, drip. Let's go. Glitch. Dozo. Mucho. You get the bangs. Elle aime quand c'est brossant, quand c'est brossant. Elle aime les mauvais garçons, les mauvais garçons. Là je suis dans la zone, je fais des loges, dois faire attention. Rien à foutre des règles, je fais ce que je veux, me fais pas la son. Elle aime quand c'est brossant, quand c'est brossant. Elle aime les mauvais garçons, les mauvais garçons. Là je suis dans la zone, je fais des loges, dois faire attention. Rien à foutre des règles, je fais ce que je veux, me fais pas la son. J'aime que les cassages de reins et les cassages de bouche. Les histoires de descente sur les terrains, les arrivages de refus quand j'ai une touche. Je vais te sortir de la galère, ça mérite de voir tes fesses à l'air. Si t'es dans le vide, tu coopères, ou bien va boire les règles de ta mère. Y'a du jaune à effriter, tous les messages sont cryptés. Y'a des nuits qui seront criblés, tous les buteurs s'abriblés. Na, chez Tan, ils sont quatre dans la mégane. T'as la trajet, flamme, on est deux sur la bécane. Tu m'entends sur la FM, je suis tristement célèbre. Tu m'as vu sur BFM, mon œil glace sur toutes les lèvres. C'est très très brosson, toi, c'est les ténèbres. Quelle que soit sa position, je vais te casser les vertèbres. Elle aime quand c'est brossant, quand c'est brossant. Elle aime les mauvais garçons, les mauvais garçons. Là je suis dans la zone, je fais des loges, dois faire attention. Rien à foutre des règles, je fais ce que je veux, me fais pas la son. Elle aime quand c'est brossant, quand c'est brossant. Elle aime les mauvais garçons, les mauvais garçons. Là je suis dans la zone, je fais des loges, dois faire attention. Me fais pas la leçon. Allô, tu m'as vu dans la tête. Bah oui. Tu m'as vu dans la presse. Moi je fais partie des bêtes. C'est nous. Personne arrête la bête. Sur moi toujours une quiche. T'as vu ces gens, je les kiffe pas. Appelle-moi ce qu'est c'est qui ça. Bâtard, je coûte plus cher que mes habits. Wow. MJ, c'est pour la vie. Wow. Je réponds, c'est pour la nuit. Wow. Mauvais garçon, bah oui. Ah. T'es pas content, je te salis. Wow. Le temps, c'est de la money. Money. C'est ce que m'a dit ma Broly. Rien à foutre qu'on valide. Oh. Là, je suis alpe tellement sale qu'il me trouve impoli. Les miroirs me disent, hey, petit charismatique aux allus. J'suis debout, j'fais la guerre comme dans les rues de Tripoli. Pas ici, c'est la folie. Pas ici, c'est la folie. Oh, elle aime quand c'est brossant, quand c'est brossant. Elle aime les mauvais garçons, les mauvais garçons. Là, j'suis dans la zone, je fais des loges, dois faire attention. Rien à foutre des règles, je fais ce que je veux, me fais pas la son. Elle aime quand c'est brossant, quand c'est brossant. Elle aime les mauvais garçons. Sheesh. Drip drip, big thing, yeah no. J'avais trop envie de faire ça. Trust me, daddy. attends. Trust me, daddy.